الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى رأسهم سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وعلى أصحابه وعلى كل من لسنته اتبع واقتفى. أما بعد، عباد الله، سيرفيتور دو ديو، أخرج برلماني هولندي من أقصى اليمين un parlementaire hollandais de l'extrême droite a réalisé il s'agit du président du parti de la liberté, il a réalisé un film de 15 minutes s'appelle Fitna, qu'il a nommé Fitna, discorde l'ilmes de l'islam ou nabi l'islam Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, afin de porter atteinte à l'islam et au prophète de l'islam Muhammad, prière et salut sur lui. Et je lui dis, tu n'as fait par là que te fatiguer. Tu t'es fatigué pour rien. Tu as perdu ton temps. Et tu as gaspillé ton argent pour rien. Il n'est pas possible pour une créature de combattre le Créateur. Tu es comme celui qui veut éteindre la lumière du soleil. Tu ressembles à quelqu'un qui veut frapper le soleil avec une pierre. Il jette la pierre vers le soleil toute la journée, jusqu'au point de tomber fatigué le soir. Et les gens ont eu pitié de lui parce qu'ils ont compris qu'il s'agit d'un fou. Tu ressembles à quelqu'un qui veut frapper les nuages avec une poignée de terre. Et la poignée de terre est revenue vers lui pour le salir et l'aveugler. قال تعالى Dieu le très haut dit يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويابى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. Ils veulent éteindre la lumière de Dieu avec leur bouche et Dieu tient absolument à accomplir sa lumière, n'en déplaise aux négateurs. وأحب هنا أن أحيي الموقف المشرف للحكومة الهولندية. Et j'aime là saluer la position honorable du gouvernement hollandais التي انتقدت الفيلم. Ce gouvernement qui a critiqué le film وتأسفت على أنها لم تتمكن من إيقاف الفيلم et qui a regretté de ne pas pouvoir arrêter le film. فهي لم تتخبأ وراء حرية التعبير. Ce gouvernement ne s'est pas caché derrière la liberté d'expression pour défendre le film. Parce qu'il n'y a pas dans ce monde une liberté absolue. À toute liberté, certes, il y a des limites. Je n'ai pas, certes, le droit de me moquer des autres et de les insulter au nom de la liberté. Je salue de la même manière la position honorable de la communauté musulmane en Hollande qui a demandé le calme et de ne pas répondre par la violence à ce film. وفي الأخير يا لفان إذا كان الاستهزاء بدين الإسلام ونبيه يجرحك. Si le fait de se moquer de l'islam et de son prophète te blesse, فأحسن جواب هو أن تتبع جيدا إسلامك ونبيك. La meilleure réponse que tu peux donner, c'est de suivre très bien ton islam et ton prophète. كن مسلما حسنا. Sois un bon musulman. ربي أولادك على الإسلام. Éduque tes enfants selon l'islam. Mais le fait min wujud Ahmed wa Muhammad wa Mustafa fi al mujtama walakin sariqun munharifun mutakhaddirun ila akhirih. Quel est l'intérêt de la présence de Muhammad, de Mustafa, de Ahmed dans une société s'ils sont des voleurs, des égarés, des drogués, etc. فأفعال المسلمين الضالة هي التي وسخت صورة الإسلام وجعلت الآخرين يسخرون من الإسلام. Ce sont les comportements des musulmans égarés qui ont sali l'image de l'Islam et qui ont poussé les autres à se moquer de l'Islam. أتريد أن يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة, veux-tu que le prophète prière et sage lui te dit le jour de la résurrection, أنت السبب, c'est toi la cause, أنت الذي وسخت صورتي, c'est toi qui as sali mon image, لأنك لم تربي أولادك وبناتك, parce que tu n'as pas bien éduqué tes enfants, ça veut dire tes garçons et tes filles. وأحسن وسيلة للدفاع عن نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم, et la meilleure façon de défendre le prophète de l'Islam, prière et sage sur lui, أعمال أدبية, des travaux littéraires, تأليف كتب, écrire des livres, وأعمال فنية, des œuvres artistiques, قيام بأفلام تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم, réaliser des films qui défendent l'islam et le prophète, prière et sage sur lui, وأعمال سياسية, et des œuvres politiques, العمل على إصدار قانون يمنع الاحتقار أو المس بكل الديانات, des œuvres politiques qui auront pour objectif d'interdire, d'élaborer une loi qui interdit toute moquerie ou toute atteinte à n'importe quelle religion. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم إني داع فأمنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام واخرجنا من الظلمات إلى النور واجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب يا من لا إله إلا أنت, اللهم احمينا في هذه البلاد واحمي أولادنا واحمي نساءنا. اللهم اجعلنا وأولادنا مسلمين موحدين غير مشركين ولا ضالين. اللهم اجعلنا من أحبابك ولا تجعلنا من أعدائك. اللهم اجعلنا وأولادنا من أصحاب المساجد ولا تجعلنا من أصحاب البدع والضلالات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك في هذا اليوم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرين, وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا من الذنوب سالما معصوما, ولا تضر فينا يا ربنا لا شقيا ولا محروما, واستر عوراتنا وآمن روعاتنا وفرج كروبنا وطهر قلوبنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا إنك سميع مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.